18:30. Observation, pronom, complément d'objet indirect. Le bateau appartient à Marie-Laure. Il lui appartient. Il demande du feu à la jeune fille. Il lui demande du feu. Elle sourit à Robert. Elle lui sourit. Tu ressembles à ta sœur. Tu lui ressembles. Je vais téléphoner à ces gens. Je vais leur téléphoner. Lui et leur sont des compléments d'objets indirects des verbes appartenir, demander, sourire, ressembler et téléphoner. Notez qu'ils sont placés devant ces verbes.